rap il faut les rimes et le moral en béton. Dans rap il faut les rimes et le moral en béton. Si t'as pas ça c'est embêtant. Comme dans la rue tu risques de béton. On voudrait avancer mais dans nos roues y'a que des bâtons. L'état nous mène en bateau donc face à eux nous nous battons. Dans rap il faut les rimes et le moral en béton. Si t'as pas ça c'est embêtant. Comme dans la rue tu risques de béton. On voudrait avancer mais dans nos roues y'a que des bâtons. L'état nous mène en bateau donc face à eux nous nous battons. Après faut faire ça bien comme faire l'amour à une femme. Faut un moral de fer car chaque MC a une fin. Moi j'ai une fin de loup. En plus il faut des loves. Écoute on fera du lourd pour pas finir au fond de l'eau. Y'en a qui font de la merde et de la vente en boîte. Et ceux qui font de l'eau veillent et puis s'en vantent en boîte. Moi je suis qu'un sale môme d'en bas comme tous ces types autour de moi. Et malgré les galères on reste debout pas comme les tours de main. Nathan et mec t'auras nada sur la tête de ma mère. Quand de face tu disparais comme un tour de main. J'imagine bien que j'ai un atout de malade. Donc si j'ai un fils t'inquiète qu'il aura tout de moi là en fuite avec moi-même. Et c'est un combat rare précis comme un comparamasse. Ton rap on est incomparable. T'as l'air égaré. Je pense que les carrés creusés ça y est mais cesse de remarquer. Comme je l'ai fait sur tous ces cahiers. Dans rap il faut les rimes et le moral en béton. Si t'as pas ça c'est embêtant. Comme dans la rue tu risques de béton. On voudrait avancer mais dans nos roues y'a que des bâtons. L'état nous mène en bateau donc face à eux nous nous battons. Dans rap il faut les rimes et le moral en béton. Si t'as pas ça c'est embêtant. Comme dans la rue tu risques de béton. On voudrait avancer mais dans nos roues y'a que des bâtons. L'état nous mène en bateau donc face à eux nous nous battons. Serre un verre et tais-toi. Ce que je dis c'est la vérité. Hiver comme été on taffe le son moi et mon comité. Même si j'ai comme idée faute tout comme toi j'avance. J'ai comme idée folle de tenter ma chance dans le rap. Et depuis j'ai les deux pieds dedans. Le tien symbolise un pieu et deux pédés dedans. Non j'suis pas pédé de thunes. On dit rifa t'es un peu têtu mais ça va mal. Je vois qu'il y a les guerres et même les petits tués. Toi tu te plains de tes problèmes et matin peu les leurs. Inverse les rôles tu verras rien n'est pire que l'erreur. Chacun sa façon de voir toi l'apparence tu te fiancer. Nous on vient de la rue ça elle qu'on est fiancé. Mais on se méfie aussi de l'état et c'est que France civile. Il pense qu'à sévir et s'étonne quand on court aussi vite. J'te parle pas du président et ceux qui applaudissez, quitter la France, j'y pense, j'mettrai les voiles une fois le drapeau hissé. Dans rap, il faut les rimes et le moral en béton. Si t'as pas ça, c'est embêtant. Comme dans la rue, tu risques de béton. On voudrait avancer, mais dans nos roues, y'a que des bâtons. L'état nous mène en bateau, donc face à eux, nous nous battons. Dans rap, il faut les rimes et le moral en béton. Si t'as pas ça, c'est embêtant. Comme dans la rue, tu risques de béton. On voudrait avancer, mais dans nos roues, y'a que des bâtons. L'état nous mène en bateau, donc face à eux, nous nous battons.